Comment rester digne lors d'un rencard foireux? À l'ère des réseaux sociaux et autres sites de rencontres, il arrive fréquemment de faire la connaissance d'un mec de manière virtuelle. Là où ça se complique, c'est quand arrive le premier rencard bien réel. Alors prépare-toi, le choc peut s'avérer rude. Soit il ne colle pas du tout à la photo, plus petit, plus gros, plus vieux, et surtout, bien moins beau. Autre possibilité, c'est que tu te demandes très rapidement qui est son Cyrano, lorsque tu réalises qu'il ne manie pas du tout la langue française comme dans ses messages. Tu aimerais pouvoir disparaître dans la seconde. Cependant, tu n'as pas hérité des talents d'Hermione Granger, donc il te reste la possibilité de le clasher comme il le mérite pour t'avoir ainsi menti. Mais voilà, ta maman t'a appris les règles de bienséance. Du coup, il était impossible de le remballer. En plus, il est hors de question que tu te tapes la fiche dans ton bar préféré. D'autant que ça n'a échappé à personne que vous deux, ça n'allait pas le faire. Sacrée soirée de merde. Le hic, c'est comment faire pour rester suffisamment poli sans pour autant lui faire croire que vous allez fêter les fiançailles dans 2 mois. Je précise que quoi que tu fasses, le mec va rester persuadé qu'il a une ouverture aussi grande que le delta du Nil. Donc, à toi de ne pas t'éterniser. Bois ton verre calmement en feignant de t'intéresser à sa conversation. N'en reprends surtout pas un deuxième, même s'il insiste. Pendant que tu meubles la conversation, reste évasive. Et surtout, ne lui dévoile rien d'essentiel sur toi. Garde une distance physique, le langage corporel c'est important, même si c'est le genre de gars qui n'a pas le décodeur. Puis, trouve un prétexte pour mettre fin à l'entrevue. Idéalement, il faut toujours prévoir qu'une pote t'appelle au bout d'une heure. J'avoue que dans certains cas, ça peut s'avérer très très long. À défaut, tu peux toujours te programmer une sonnerie d'alarme et faire croire que c'est un message important ou un appel urgent. Du genre, tu es Meredith Grey. Le lendemain, tu lui écris un truc sympa pour t'excuser de ton subit départ en lui faisant comprendre avec tact que tu ne souhaites pas garder le contact de quelque manière que ce soit. Tu l'auras compris, tu dois impérativement garder le contrôle du début à la fin. C'est toi qui décides de tout, sans même te faire capter ce qui éloigne le moindre risque de fin tragique. Une fois que tu auras enchaîné plusieurs rencarts pourris, ça deviendra un jeu d'enfant et le jour où tu trouveras enfin le bon, tu apprécieras au centuple cet instant de grâce. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.